Bonjour et bienvenue pour cet épisode 8 de Marvelicious, le podcast où on parle de Marvel et de Marvel, et encore de Marvel, et que ça en fait, il n'y a pas autre chose. Je suis de quelques propos introductifs pour m'excuser. De fait, il y a quelques passages dans le podcast qui sont assez difficiles à l'écoute, notamment avec des bruits de fond que je n'ai pas réussi à enlever, et je pense que j'ai eu aussi un problème de connexion avec les gars et Alexandra, et par intermittence, la voix, alors c'est plutôt la mienne plutôt que les autres qui est coupée. Voilà, mais sur une heure et demie de podcast, c'est pas dérangeant, mais je tiens à m'excuser par avance de ces moments qui sont pas non plus récurrents au podcast, qui peuvent être désagréables. Voilà, mais sur le fond, le podcast reste agréable à écouter. Voilà, du moins j'espère. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Épisode numéro 8 de Marvelicious, le podcast uniquement consacré à Marvel. Et aujourd'hui, on fait un nouvel épisode sur... Et c'est le dernier. Laurent ne pleure pas. Parce qu'on est Skype, Laurent pleure. Ne pleure pas. Nous sommes en direct de Skype, donc du coup, on se voit. Bref, pour vous dire que c'est le dernier épisode consacré à Moon Knight, ou pas. Peut-être qu'on reverra Moon Knight à un moment donné et on en reparlera. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va? Très bien, impeccable. Impeccable. T'es content d'être revenu pour ce troisième et dernier épisode de la série? Ah oui. Est-ce que ça va te manquer? Est-ce qu'il y a... Bon, tu reviendras, j'espère, mais est-ce que tu te diras, boucle. Oh, ben, je fais confiance Dio pour nous émerveiller par des nouvelles séries en permanence. Ça. Mais oui. Ouais. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Alexandra ! Oui, tu reviendras, c'est sûr et certain. Alexandra, ça va ? Allô ? D'accord, on a perdu Alexandra. On a perdu Alexandra. C'est pas... Attends, elle m'envoie un SMS. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Ok, elle dit... elle n'arrive pas à relancer Skype. Bon, bah, elle va prendre en cours de route, c'est pas grave. Un nouveau, c'est Mika. Que vous avez déjà vu sur l'épisode 16 sur Miss Marvel. Bonjour Mika. Salut. Ça va? Ouais, tranquille. Tranquille, Mika. Voilà, Mika, tu connais pas Laurent, mais Mika n'aime pas du tout Marvel. Il est plutôt DC Comics. Voilà, il déteste ça. C'est différent. Il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. Non, on déconne. Non, on a bien rigolé quand on a fait l'épisode 7. C'était sympa. Oh ouais. Voilà. Alors, on va faire un débrief sur les derniers épisodes, donc l'épisode 5 et l'épisode 6, Sniff. Bon, comme d'habitude, on va faire juste un point sur chaque épisode. Et puis, je vous demanderai à tous les deux ce que vous attendez à la fin de Moon Knight, le revoir, ne pas le revoir, bref, on parlera du futur du personnage de Moon Knight. Voilà, sachant qu'il est disponible, enfin du moins il ne l'est plus, mais il était disponible sur le jeu Fortnite, voilà, pour ceux qui jouent Fortnite. Il ne l'est plus, voilà. Ils l'ont sorti. Comme quoi, ils sont plutôt assez à jour sur les actualités dans le jeu, et en fait, il était accessible pendant un an. Bref, pour dire que nous allons parler de l'épisode 5 qui était l'avant-dernier, donc il s'appelle L'Asile, où Mark Spector va osciller entre deux réalités. Première réalité, celle où il se trouve dans un hôpital psychiatrique, où Arthur Harrow joue le rôle du thérapeute, c'est ça, si je ne me trompe pas, et l'autre situation, l'autre réalité, c'est là où ils se rendent compte qu'ils sont dans ce qu'on appelle c'est le Douat. Le Douat, qui est dans la mythologie égyptienne, le lieu de passage pour aller vers le champ des roseaux. Le champ des roseaux, et c'est pour aller. Le champ des roseaux, on peut dire, c'est le paradis, hein, de la mythologie égyptienne. Égyptien, c'est ça. C'est ça. Les Romains aussi. Oui. Les Romains, pas peut-être. D'accord. Oui. Ok. Le film Gladiator. D'accord. Il est dans un champ de blé. Pareil. Oui, c'est vrai. Et on a aussi toujours cette idée de canoë. Hein. Tu avais dit la dernière fois, Laurent, que souvent dans les mythologies, c'est un canoë qui t'emmène vers le paradis. Ah, nous avons récupéré Alexandra, je crois. Oui, j'ai réussi. Ça y est. Désolé, ça a bien fait. T'inquiète pas, on n'a pas été très loin. On était sur le fait que, comme je disais, on était sur deux réalités. Et on a la déesse Taourette, qui leur explique que... qui va récupérer leur cœur dans leur corps, les mettre sur la balance. D'ailleurs, on avait vu la plume de Matt. Matt, on en avait parlé, tu te souviens, Laurent, la plume de Matt. Et on voit que les cœurs, avec les deux cœurs, et en fait, c'est pas l'équilibre. Et puis, de retourner dans le passé pour pouvoir équilibrer la balance, et notamment se tenir caché. Et justement, on va en parler. On va commencer par Mika. On voit Mark Spector et Steven Grant aller de porte en porte, hein, si tu te souviens. Qu'as-tu pensé de l'idée que lorsqu'ils ouvrent une porte, ils trouvent un souvenir caché ou oublié? Alors, excuse-moi, j'étais mal entendu. Quand ils allaient de porte en porte. Voilà. Ouais. Je disais, qu'as-tu pensé de l'idée qu'à chaque fois qu'ils ouvrent une porte, on découvre un souvenir oublié ou un souvenir de jeunesse? Pas mal, au vu du milieu du son, ça s'y prête assez bien pour les portes. Ça permet en spectateur aussi d'avoir une porte vers le passé, j'ai envie de dire, au niveau de la métaphore. C'est assez bien posé, je trouvais, et je trouvais ça sympa, après ce système pour ramener dans les souvenirs. D'accord, c'est bien. Et Laurent, est-ce que tu as apprécié le fait que lorsqu'on va dans ses souvenirs, eh bien, on retrouve l'origine à la fois de Moon Knight et voir évoluer Mark Spector. Est-ce que tu as apprécié le fait de voir l'histoire du personnage? Oui, parce que ça permet de mieux ressentir l'histoire, de mieux s'imprégner et de mieux comprendre. Moi, j'ai bien aimé en tout cas cette partie-là. Alors, je ne sais pas si vous, on avait un débat sur l'épisode d'avant, je crois, où on avait justement expliqué que j'avais expliqué que dans les comics, c'était Mark Spector qui était le personnage principal. Et en regardant cet épisode-là, on voit bien que c'est bien lui, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit bien que le personnage principal, du coup, il n'y a plus de doute, là. C'est ce qui était manquant dans les précédents épisodes, je trouve. C'était pas aussi révélateur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Si on revient vraiment déjà à tout le début de la série, on commence par Steven. En fin de compte, et après on découvre Mark. C'était fait exprès pour nous faire perdre pied. Mais la réalité, oui, c'est bien Mark. Mark, le personnage principal. Après, oui, et puis ce sont des plus. Et on découvre aussi l'origine de son TDI au final. Et bien sûr, oui. Alexandra avait expliqué que les TDI apparaissent lorsqu'on a été dans sa jeunesse. C'est ce que disait Alexandra. Dans sa jeunesse, tu as eu un traumatisme. Et du coup, Mika, on voit bien, c'est d'accord là-dessus, Mika, j'espère qu'on voit bien le traumatisme de. Tu le vois bien, il diffère vachement de celui du comics qui est beaucoup plus violent, je trouve. Justement, explique-le nous, du coup. Tu me devances. dans le comics, qu'est-ce qui crée le TDI, quel est le... Alors, dans le comics, c'est en gros, quand il, vu que ce sont des réfugiés à l'origine, sa famille, c'est la personne... C'est une famille juive. C'est une famille juive. Et en fait, donc, celui qui est considéré comme son oncle, il va se rendre compte qu'en fait, c'est un ancien nazi qui enlève des enfants et les torture, des enfants juifs. Et des juifs, je sais plus si c'est des enfants ou juste des juifs, mais enfin il torture et en fait il va tomber dessus alors que toute sa vie ça a été son tonton et c'est ce qui va déclencher son TDI. Donc là on n'a rien à voir du tout puisque ce qui a déclenché son TDI c'est le fait qu'il se tient comme responsable de la mort de son frère. Je crois qu'il est noyé dans une grotte. C'est et, ça. Ouais. Et la souffrance de sa mère et il s'est réfugié en créant ce personnage qui est. Steven Grant, et d'ailleurs, on voit d'ailleurs d'où vient le nom. Tu te souviens, Laurent? D'où vient, pourquoi ce nom? Je ne sais pas si tu te souviens. Ah non, Steven, non. Ça va. Laura, tu te souviens ou pas? Oui, il regarde une Ah oui. Ah, un poster qu'il a dans sa chambre sur un explorateur, une sorte d'explorateur, chercheur de trésors dans la jungle. C'est ça, ça avait pensé à Indiana Jones? Et du coup, d'ailleurs, je crois que quand ils sortent vers la grotte, ils jouent à Steven Grant, je crois. C'est ça, il lui dit qu'il est Steven Grant et que l'autre sera le professeur. C'est ça. Et c'est donc cette première partie-là qui est assez sympa, puisqu'en fait, au final, on a des réponses à pas mal de questions. On a des réponses sur d'où est né le TDI, et puis on a de la réponse à savoir qui est le personnage principal qui incarne Moon Knight, et au final, on voit que c'est. C'est Mark Spector. Deuxième partie de l'épisode, alors, quand on le structure, la deuxième partie, c'est que la balance n'arrive toujours pas à s'équilibrer. Et là, on arrive, ils prennent une porte, et là, on arrive justement à ce moment où on voit comment il est Moon Knight, comment il le devient. C'est très proche, je sais pas ce que t'en penses, Mika, mais moi je trouve que c'est très proche du comics au final. Alors cette partie-là, ouais, très très proche du comics, effectivement, c'est en étant laissé pour mort qu'il va passer son pacte avec Khonshu pour pouvoir survivre. C'est ça, et et on voit qu'il y a eu un carnage au niveau d'une équipe qui doit de chercheurs. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit le père de Leila, je crois. Si je me trompe pas. Voilà. Donc on a quand même une similitude assez proche, voire c'est même carrément la même que le comics. Donc ça c'est dans le deuxième temps. Et puis le troisième temps Spector et Tourette vont convaincre Tourette. Spector et Grant vont convaincre Tourette en fait de ressusciter, si on peut dire ça. Donc elle va vers les portes d'Osiris, c'est ce qu'elle appelle ça. Je pense que c'est la sortie de la douane, ça doit être ça. Et puis, elle fait une demi-tour et la balance n'est toujours pas équilibrée. Et là, il y a des sortes de spectres hein, qui viennent sur le bateau. À mon souvenir, oui, c'est ça. Ils viennent sur le bateau. Et le bateau est attaqué. Et là, arrive un événement triste quand même. Alexandra, est-ce que tu l'as trouvé triste, ce moment où Grant se retrouve à l'extérieur? Quand tu dis à l'extérieur, sur le sable. Quand il tombe du bateau. Oui, quand il tombe du bateau. Oui, j'étais choquée. J'ai pas versé ma petite larmichette, mais j'étais non, pas lui, pas Zinedine, non. Est-ce qu'il y en a pas un d'entre vous qui s'est posé la question de savoir, merde, ça se trouve on le reverra plus? Ouais, je t'avoue que moi, perso, je me suis dit, ça se trouve, ils enlèvent Steven pour mettre Jake à la place, quoi, et qu'on verra plus Steven, quoi. Et toi, Laurent? Bah, non, monsieur. J'ai comme Alexandra, quoi. J'étais dégoûté, quoi. Non, pas lui, quoi. Après, voilà. T'avais pas cette peur de dire que tu le reverras pas? J'avais ce doute, mais bon, je m'attendais à tout. D'ailleurs, on pourra parler après, c'est incroyable. oui. Et Alexandra, toi? Je pensais pas qu'il allait disparaître parce que bon, je sais que vous allez me trouver chiante avec ça, mais le TDI, c'est pas quelque chose qu'on résume juste, il tombe du bateau, puis c'est fini, on n'en parle plus. C'est trop tard. Enfin, je me suis dit, ça se trouve, Steven, on va pas le voir pendant un certain temps, mais ça revient toujours, en fait. C'est jamais parti, c'est une maladie que tu as toute ta vie. Et je me suis dit, Steven, il est tombé, mais soit il va rester là, parce qu'en effet, il a plus de rôle à jouer avec Marc, il a fini son rôle de. Voilà, il avait le rôle un peu d'offrir une belle vie à Marc en oubliant tous les malheurs qu'il a eus. Donc, du coup, son rôle s'arrêtait là. Dans le sens, on le reverrait plus, mais en même temps, à tout moment, il peut revenir. Mais du coup, quand il allait le chercher, j'étais contente. J'étais là, ouais, oui, D'ailleurs, c'est un peu Steven, c'est bizarre, hein, bien. comment il... on va en parler tout à l'heure, mais c'est un peu bizarre comment il le réveille ou ressuscite. De manière générale, vous en avez pensé quoi de cet épisode, Mika, par exemple? Bah, moi, je trouvais que c'était un bon épisode. On sentait qu'on approchait de la fin de la série. Et dans l'ensemble, bah, tu avais un peu toutes les révélations qui étaient faites sur cet épisode-là, avec une fin bon, bah, assez particulière. Parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça se termine sur Steven qui tombe dans les sables du Doigt. Mais disons que ça a permis avant ça juste l'équilibre des deux cœurs. Donc c'était vraiment le moment où ils étaient en parfaite harmonie les deux. J'arrive toujours pas à comprendre d'ailleurs pourquoi il n'y a pas un troisième cœur, mais bon, c'est autre chose. Oui, c'est peut-être des questions qu'on se pose. On avait eu un troisième sarcophage, si vous vous souvenez, mais moi j'ai cru à un moment donné que ce n'était pas équilibré parce qu'il manquait justement un cœur. Bah, je pensais comme toi. Voilà. Et toi, Laurent, t'as avancé quoi de cet épisode? Ben, c'est le mot magique. Magique. C'était magique. Je revois, ça, vous allez rigoler, je revois la Reine des Neiges, quoi. Elsa et Anna, ah, c'est Ouais. tout. Je t'aime, alors. Me manque. Oh. D'ailleurs, Exactement. il dit, c'est émouvant quand même parce que c'est. D'ailleurs, en le regardant dans le bateau, on le voit qu'il est en train de se cristalliser, donc d'être consommé par la douate. Donc, et Alexandra, toi, l'épisode, t'en as pensé quoi? De manière générale. Bah, j'ai bien aimé, mais c'est l'épisode. Je sais plus si c'est les 5 ou 6 là où on parle. 5. Cinq. Le 5, c'est vrai que ça s'enchaîne vite hein, cet épisode. Moi, je trouvais effectivement que ça allait vite. Si vous voulez, j'ai rattrapé. Bon, il me reste que le faucon, enfin le soldat et le faucon de l'hiver à regarder. Et quand l'autre est OK là, du coup, j'ai fait toutes les autres séries que j'avais pas vues. C'est vrai que de base, les deux derniers épisodes des séries Marvel s'enchaînent très vite. Et c'est le cas aussi ici. Donc du coup, beaucoup d'informations à assimiler. Mais globalement, j'ai bien aimé. C'est juste que c'est vrai que bah, je trouve qu'il y a un manque d'équilibre dans les épisodes des séries. Il y a des moments où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des moments où c'est un peu longué. Et en soi, la série est bien et l'épisode est bien aussi. Donc C'est des choix cet épisode personnels. quand même 5 t'as plu quand même dans son ensemble. Oui, tout à C'est fait. vrai que quand vous en parlez, cet épisode on le voit structuré et en plus il faisait la bonne longueur, ni trop long ni trop court. Franchement il était bien là-dessus. Justement, on va en parler maintenant de l'épisode 6 qui lui, justement alors, bon, de manière générale, personnellement, il m'est resté en bouche. C'est-à-dire que je pensais que le dernier épisode allait être long. En fait, il était. Enfin, je l'ai trouvé court. Et je crois qu'il est court, hein. Je ne sais pas Bah, combien de minutes il fait. c'est le plus court des 600 de souvenirs. Ça doit être ça, ouais. Bref, je l'ai trouvé méga court. Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'informations dans cet épisode que des fois, bah, je m'y perdais un petit peu. Et j'ai eu cette impression aussi, sans rentrer dans le détail, on rentrera dans le détail après. Mais j'ai eu cette impression, je ne sais pas vous, qu'il y avait des moments qui étaient cutés. Il manquait quelque chose. Je sais pas si Laurent, par exemple, je sais pas si tu te remémores l'épisode 6, si à un moment tu t'es dit oh la vache, on saute vachement vite d'un événement à un autre, il doit manquer quelque chose. Je vais prendre un exemple. Quand Steven dit à Leila, regarde, j'ai des nouveaux pouvoirs, le mec il sait se battre comme jamais quoi. Alors qu'avant, pour donner un coup de poing, il mettait du temps. Un autre moment, c'est que comment j'ai l'impression que le moment où Amit tue les dieux égyptiens, Je me suis dit, mais c'est trop simple. Alors que c'est censé être Osiris, tu vois. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Enfin, qu'à certains moments, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, de cet épisode, Laurent, de manière générale? De manière générale, c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs à le dire, ça va très vite. Donc, mieux fait de d'étaler un peu les événements sur les épisodes précédents que voilà quoi. Bon, ils ont voulu faire un final aussi, je sais pas. Honnêtement, après c'est regardable. Hein. Après, oui. C'est regardable. Mais oui, c'est vrai que ça va très vite. Et... on aimerait étaler un peu plus. On aimerait, comment je cherche le mot, développer plus quoi, certaines choses que tu viens de dire quoi. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça n'empêche pas que c'est agréable à regarder. Comme la chanson d'Orelsan quand il dit ça va trop vite. Oh mais c'est tout pour moi. Mika, toi, t'as pensé quoi de cet épisode de manière générale? Trop court. Je pense qu'on va vraiment rester sur là-dessus. Pour moi aussi, ça aurait dû être l'épisode le plus long. Ça manque, comme a dit Laurent, de développement sur beaucoup de choses. Et après, ils ont changé des trucs par rapport au scénar d'origine. Donc, je pense que c'est ce qui a dû un peu attaquer certains passages. Tu disais il manquait des trucs. Alors, c'est possible qu'ils aient comblé un peu rapidement. Parce que normalement, tu étais censé avoir les éternels de souvenirs dans cet épisode-là. Ouais, c'était pour avoir un rapport avec le MCU. Et en fait, du coup, ils ont décidé de ne pas les mettre finalement. Alors, je crois qu'il y en avait un ou deux qui devaient apparaître et ça coûtait trop cher en effets spéciaux. Et ils ont dit niet finalement. D'accord. Ah ouais. Voilà. En même temps, ça aurait été logique puisque les éternels, c'est accès à la mythologie. Donc, ça paraît logique. Ouais. Normalement, c'était censé les voir dans le passé en fait combattre Khonshu. Et je pense que du coup, ils ont. Dû vouloir aller un peu plus vite, et c'est vrai que du coup il manque un peu certaines choses. Comme tu disais, après par rapport à Amit, je trouve qu'elle est un peu trop puissante par rapport à tous les autres dieux, même si elle est ressuscitée. T'as l'impression qu'ils sont nuls. Bah, c'est que des avatars, je veux bien, mais il manque de puissance quoi. Ils se font défoncer en 2 secondes. Après l'accès à leur zone, ça on en parlait nous la dernière fois tous les deux. Que c'était, ça avait l'air d'être un lieu physique, mais je pensais pas que c'était dans les pyramides. Oui. Ce qui est du coup un peu facile d'y accéder. Pour le coup, ils sont pas vraiment protégés. Il a quand même cet épisode là, quand même la on va dire l'avantage de répondre à pas mal quand même de questions que l'on se posait encore, que n'a pas répondu quand même l'épisode 5. Oui, sur tout le reste autour, on va dire, du personnage. Bah, le 5 a énormément développé, du coup, Mark Spector et le pourquoi du comment il est devenu Moon Knight et les tenants du contrat qu'il a, essentiellement, et qui sont passés. Et je trouve que le 6 développe plus. Mais attends, Sandra, tu fais ta vaisselle là? Non, je. Tu veux me faire un thé, du coup je fais le thé. Alors, ce podcast, on a l'impression que tu fais ta vaisselle. Voilà. Je veux me faire un thé, du coup je suis désolée. Il y a la mienne à faire aussi. Je supporte pas d'avoir les mains. Écoute, Kika, tu dis qu'il a la vaisselle à faire, Laurent. As-tu la vaisselle à faire? Que si, arrêtez. J'aime pas avoir les mains. J'ai des choses à faire. Le podcast où on se permet de faire Marvelicious, le podcast où Alexandra propose de faire la vaisselle à tous les auditeurs. Il n'y a pas de problème. C'est de l'ASMR, je sais pas si c'est de l'ASMR. Ouais, je veux bien un thé, moi, du coup. Bah écoute, j'ai du petit thé blanc, du petit thé vert de Japon. Qu'est-ce que tu veux? Tu me dis? Non, il boit que du thé égyptien. Là, on est sur l'ambiance égyptien. Donc, waouh! Thé vert, du coup. C'est à la menthe. Alors, si on reprend l'épisode, on a cet épisode où Leila va être contactée par Taourette et elle va lui dire que il faut qu'elle retrouve Lou Shepti, du coup la statuette de Khonshu, de libérer Khonshu et qui va permettre de ressusciter et de redonner vie à Spector. Et on va avoir de l'autre côté Arrow, Arthur Arrow, qui va libérer Amit. Et là, question, Laurent, est-ce que tu as apprécié de voir les dieux égyptiens dans leur enveloppe corporelle classique et pas par le biais d'avatar? Ah bah oui. Allez, pour moi, il fallait absolument, au minimum, un plan de scène avec ça. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a du cachet, quoi. Enfin, pour celui qui aime l'égyptologie, c'est sympa. Voilà. C'est ça. Et du coup, on voit bien Amit, quoi, qu'on expliquait, c'était la déesse à la tête de crocodile, voilà, clairement. Ouais. Et ça va, je sais pas, Mika, les effets spéciaux étaient bien faits à ce moment-là. Enfin, ça va. Ouais, honnêtement, moi perso, je trouve que les effets spéciaux, ils étaient. Presque, on a l'impression qu'ils ont lâché tout le budget de la série sur l'aspect des dieux. Ça faisait un peu bizarre quand même, parce qu'on avait des dieux avec des avatars et on avait Amit qui était dans son enveloppe corporelle classique. Après, elle a été libérée. Comment ? Elle a juste été libérée. Elle a été libérée, oui. Bah, du coup, Leila va libérer Ronchu et à ce moment-là, Ronchu, je crois qu'il lui propose d'être son avatar et elle refuse. Et de ce fait, Ronchu va ressusciter Marc. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit deux balles, hein. D'ailleurs, les deux balles qui lui étaient tirées, qui sortent de son corps. Et en parallèle, on a Mark Spector qui va sauver Steven Grant. Alors, c'est une scène, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Alors, je crois qu'ils sont encore dans le bateau, t'as Tabourette qui les emmène vers les portes d'Osiris. Et puis elle fait face à la vague de sable. Et là, il y a comment il s'appelle Marc qui donne son cœur à Steven. Enfin, j'ai pas trop compris l'image. Enfin, peut-être que Laurent, toi, t'as pu comprendre l'image, non? Enfin, cette scène-là, elle est vraiment bizarre. L'épisode, je l'ai vu qu'une fois, mais il faudrait que je le revoie plusieurs fois. C'est vrai que... Mais ce moment-là, je le trouve vraiment bizarre. Enfin. Quand ils sont face à face avec le cœur dans la main, là? Ouais. Moi j'ai bien aimé parce que pour moi ça représentait un peu un moment où Marc est accepté Steve à 100% et pareil pour Steve parce que du coup c'est un peu un échange, on arrête de chacun de notre côté et c'est bon, on se tient pour la main pour de bon et puis les deux go, c'est parti, on fait la vie à deux quoi. Mmh. Et j'ai bien aimé cette scène parce que l'épisode 4, je crois qu'il s'appelle L'Allié. Mes souvenirs, ou c'est le 3, je ne sais plus. Et du coup, j'ai bien aimé de voir vraiment une déesse bah, comme Taoret qui est pas là pour enfoncer les hommes comparé à Kishun et à. Kishun. Ouais, non, mais je la appellerai jamais Ronchu, d'accord. Ronchu. Ronchu, Kishun, ça lui va mieux, les petites têtes de Kishun. Et du coup, je sais pas, j'ai bien aimé. Pour moi, la symbolique était mignonne. Et surtout, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, ils vont se faire attraper par la vague de sable. Oui, la vague de sable. Et t'as Auret qui arrive pour ralentir la vague avec le batal. Et elle dit la phrase « Osiris, ta bonté te perdra ». Oui, elle m'a dit. Et pour moi, c'est parce que à la base, la porte, elle n'est pas censée s'ouvrir. Hein. La porte de la vie, tu vois, la porte de la résurrection. Et c'est pour ça que je te dis, il manque. Tu vois, à ce moment-là, eh ben, c'est parfait. Il manque quelque chose. Pourquoi elle sort ça? Et parce que pour moi, c'est Osiris. Pourquoi Osiris dirait. Qu'est-ce qui fait qu'Osiris dit, OK, on le ressuscite? Alors moi, je suis sûre que c'est parce qu'il a vu son avatar se faire éclater la bouche par Amit. Il s'est dit, bon. On va peut-être aller chercher... Oui, mais c'est toi qui déduis ça. Mais oui, mais après... Mais j'aimerais bien aussi savoir comment Osiris communique avec Taoret, etc. Tu vois. Tu sais pas. Mais c'est des dieux. Ils communiquent... ils prennent un téléphone, ils communiquent entre eux. Non, mais je pense qu'il manque au moins un dialogue, tu vois. Un dialogue, quelque chose. Je sais pas, Osiris qui essaie de contacter... Oui, c'est ces moments-là où je dis il manque quelque chose. Bah, de toute façon, enfin, il y aurait une saison 2, c'est... Ou en tout cas, peut-être dans les films, s'il apparaît dans des films, on en saura plus. Mais, oui. Ou dans des multivers, j'en sais rien. Mais non, en soi, J'ai pas d'autres arguments. Si on continue l'épisode, on a, enfin du moins cette première partie d'épisode, c'est qu'on va voir donc Ronchou qui va restaurer, enfin qui va guérir Marc et qui va retrouver ses pouvoirs, et on va voir d'un autre côté Leila qui découvre, alors c'est en allant c'était sur l'avatar d'Osiris, je crois. Qui lui explique qu'elle peut être vaincue si tu la lies à un corps mortel. Un truc comme ça. C'est quelque chose comme ça qu'elle dit. Hein. Bah, si tu vois, par exemple, plutôt que de le mettre dans une statuette, de l'enfermer dans un corps pour qu'elle soit mortelle. C'est ça. Et tu vois, à ce moment-là, par exemple, ça va trop vite. Tu vois, c'est... Là, je trouve qu'à ce moment-là, Taouret va contacter Leila pour qu'elle devienne son avatar. Et là, bah, tu la vois avec ses pouvoirs, ses ailes, etc. C'était marrant d'ailleurs, je crois que les rencontres des gosses, où elles sauvent des gosses, et ils disent « Ah, t'es une super-héros !» Et puis elle dit « Oui, mais égyptienne !» Non, c'est la gosse lui dit « T'es un super-héros égyptien !» et elle lui dit « Oui !» Ah d'accord, enfin, tu vois, moi je ne suis pas du tout dans le truc. Bon, bref, on a l'idée. Laurent, juste après, je ne sais pas si tu te souviens, on a les partisans d'Arrow qui vont commencer à trier, comme ils ont toujours fait depuis le début, dans le Caire, c'est la ville du Caire, tu vois justement que les âmes, je ne sais pas si tu te souviens, mais ils font déjà un tri, ils tapent sur sa canne, je crois qu'ils tapent sa canne au sol, comme on a un tri, comment ça se fait chez les gens, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens un petit peu. Un petit peu, d'accord. Et en fait, par contre, le cas de rire, c'est qu'on a Hamid qui mange les âmes, on va dire ça, ou qui les absorbe, et qui grandit. Et là, tu as un combat entre Ronchou et Hamid. Alors, tu en as pensé quoi de ce combat, toi, entre Ronchou et Hamid? Regardez. Alors là, tu vas rire, tu m'en rappelles pas. C'est pas grave, Mika, ça peut arriver. Ça peut arriver, Mika. Ils se battent à côté de Pierre. T'as pensé quoi de cette idée-là où Ronchou va être aussi grand que Hamid et puis qu'ils vont se pouiller? Ah, ça va bien. Ça va bien. Ouais. Le Kong versus Godzilla en version MCU. Moi, je trouvais ça sympa. Le fait que, étant des dieux, ils prennent leur apparence, une taille gigantesque, n'est pas choquant. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même que ceux qui, les seuls à les voir, ça avait l'air d'être, d'être leur avatar, ceux qui voyaient les dieux en général. J'ai pas l'impression que tout le monde les voit quand ils sont pour cette taille-là. Après, j'aimais bien cet effet que tu avais de voir en fond Khonshu et Hamid se battre et d'avoir Moon Knight contre Arrow qui combattait aussi en petit, on va dire. À côté, j'aimais bien ce visuel qu'on avait du double combat sur ces scènes-là. Et c'est vrai que c'était pour ceux qui adorent la bagarre, qui aiment la bagarre, là, t'étais servi. T'étais servi. C'était pas mal d'action quand même, c'était assez sympa, je trouvais. Oui, intense. Et d'ailleurs, ce qui était sympa, c'était la permutation entre Mr. Knight et Moon Knight, entre Steven avec ses bâtons Mark Spector avec ses poings. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Laurent, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quand même une scène assez longue quand même, pour non plus négligeable, où justement il se bat contre les partisans et contre un héros, Mark Spector, et on voit, c'est à ce moment-là qu'on voit bien que les deux, Steven Grant et puis Mark, commencent à s'accepter l'un et l'autre. Enfin, oui. Non, même si moi j'ai trouvé ça, même dans les scènes d'action, on voit ces deux personnages, on a l'impression qu'ils s'entraident, quoi. Ils changent au bon moment et c'est pas mal. Et pour revenir à la question que tu m'avais posée, parce que maintenant la scène elle me revient, les dieux qui prennent des tailles gigantesques, moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça super intéressant. J'aurais préféré qu'il soit moins gros, mais avec plus de, de pêche, quoi, plus de banane, quoi, un peu. Ouais, c'est vrai qu'ils se battaient un peu comme des titans, Valentin. Voilà, ils se battaient à des coups de poing, quoi, voilà. J'aurais préféré des trucs, c'est des dieux, quoi. J'aurais préféré quoi, des pouvoirs magiques, un peu plus de. Un peu à la Doctor Strange, quoi. C'est vrai. Voilà. Au moins, on a pu voir Amit et puis Ronchou se taper dessus. C'était quand même sympa à voir ça. Ça, c'était bien, quoi. C'était sympa. À un instant T, on a quand même Mark Spector qui prend une belle balayette par Arrow, qui s'apprête à l'exécuter. Et là, ça fait comme la scène du couteau qu'on avait parlé au dernier épisode, où où il avait planté un gars au couteau, et puis il y avait Mark qui dit à Steven, mais qu'est-ce que t'as fait ? Il fait, mais c'est pas moi. On avait ce blackout qui me faisait penser que l'arrivée de Jack. Et là, Mika, toi, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, par exemple, ça y est, c'est sûr, il y a Jack ? Bah déjà, j'étais sûr et certain dans la scène, la fameuse scène avec le couteau, vu que quand on connaît le perso, on sait qu'il y a une troisième personnalité, parce qu'on ne va pas compter Mr. Knight. Du coup, le troisième sarcophage est quand même bien posé. Et puis là, oui, clairement, il n'y a plus aucun doute. Il y a une personne de plus qui habite le corps. C'était plus qu'évident à ce moment-là. Par contre, je pensais le voir un peu plus tôt que ça. Pas tout à la fin. Oui, on en parlera tout à l'heure de la scène post-générique, effectivement. Mais bon, ça t'a confirmé l'idée qu'il y avait une troisième personne. Oh oui, ça a confirmé bien. Après, même dans le générique de fin, tu voyais au moment où tu avais le perso, tu avais trois visages qui apparaissaient dans le générique en lui-même, hein, la musique de fin, tout ça. À chaque fois que tu le voyais, lui, il était décomposé en trois visages. Donc c'était évident qu'ils étaient trois, mais je trouvais ça sympa. Il y avait une affiche aussi, hein, où tu voyais trois visages. Il y avait une affiche de la série où on voyait trois visages. Laurent, est-ce que à ce moment-là, tu dis c'est bon, il y en a un troisième? Non. Moi, j'avais pas vu, honnêtement. Parce que. Bah voilà quoi. À ce moment-là, ils sont à deux doigts de mourir. À ce moment-là, ils sont à deux doigts de mourir. Et puis là, boum, blackout. Et puis ils retrouvent un roux par terre KO. Tu t'es pas dit, non, il y a un troisième. Non. Faudrait que je. Tu n'as pas pensé à ce moment-là non plus. Je regarde l'épisode. Et ouais, à ce moment-là, non, je peux pas te dire. Alexandra, toi ? Attendez, est-ce que j'ai mon chat qui fait une grosse connerie du coup de 30 secondes ? Alors après, elle fait la vaisselle, hein, et elle fait aussi 4 citeuses. Hein, voilà. Non, mais j'ai un chat qui fait que des conneries, donc je n'en veux plus. Oui, en parlant de cette scène-là, bon, déjà, on avait des gros doutes entre le sarcophage et le blackout avec le couteau sur le jeune. Plutôt dans la série, là on est face à ce qui est sûr et certain, les deux se regardent droit dans les yeux, c'est toi qui as fait ça, non, toujours pas. Et même Leïla lui sort une phrase du genre, mais qu'est-ce que t'as fait? Qui es-tu? Donc en plus de ça, il y a une tierce personne encore vivante pour attester que c'était ni Mark ni Steven. Après, c'est vrai que l'arrivée du troisième est vraiment tardif. Enfin, c'est vraiment juste, dans mes souvenirs, c'est vers la fin de l'épisode 6. Non, c'est dans la scène générique. Ouais, c'est dans la scène encore plus loin. Non, mais on le voit réellement dans la scène post-générique, là, on est sûr et certain. Mais. Avec son sourire non, dégueulasse. C'est tard. Après, moi, j'applaudis toujours le jeu d'acteur, je sais plus comment il s'appelle, enfin le gars qui fait Moonlight. Oscar Isaac. Pouvoir faire trois personnages différents, enfin aussi différents, c'est pas facile. Surtout, ce qui a dû être facile à filmer, c'est la scène où ils sont tous les deux sur le bateau, parce que du coup, il faut une doublure, il faut machin, les placements. Je sais pas vraiment si c'est une doublure. Je pense qu'il a, oui. Il a dû filmer pas mal avec des écrans verts. Oui, je pense aussi, mais tu sais, pour... Hein? Il a une doublure, en fait, c'est son frère qui joue avec lui sur ces scènes-là. Ah ouais? Et pour au moins le dos, parce que... par exemple, j'ai une doublure d'eau. Non, mais il y en a qui ont des doublures cascades et sous. Arrête, les gars, j'ai une doublure d'eau. Doublure de pied, de fesses, de ce que tu veux. Tu sais quoi, il y a vraiment des actrices qui ont des doublures fesses. Oui, bah voilà. Et les acteurs aussi, hein, quoi, des doublures. Du coup, ça choque pas plus que ça. Mais ne serait-ce Une que, tu doublure vois, d'eau pour quand les même. placements, etc. Bref. Mais non, je. La scène post-générique donne envie d'en savoir plus, bien sûr, mais à chaque fois, la grande question est, est-ce qu'il y aura une saison 2? On en parlera Est-ce après, Mimi, que. t'inquiète pas, du fitir Voilà. de Moon Knight. Donc suite à ce blackout, c'est du coup Arrow et on va dire est vaincu. Il y a Spector et Leila qui vont enfermer Amit dans son corps. Ronchu qui lui demande de l'exécuter, il refuse, donc il ne l'exécute pas. Et on a une demande de Steven et de Mark qui vont demander à Ronchu de sortir de leur corps, enfin, d'arrêter d'être leur avatar. Il leur dit au revoir. Et là, bah, alors, par exemple, ça, je sais pas si c'est une scène qui manque quelque chose. Ils se retrouvent dans l'asile. Alors, Laurent, je sais pas si tu te souviens, mais ils se retrouvent dans l'asile encore. Oui, ça. Et on voit Haru en train de marcher avec les pieds en sang. Ah oui. Là, honnêtement, j'ai pas compris. voilà. Donc ils se retrouvent dans l'asile et puis après il y a Marc et Steven qui se réveillent dans l'appartement de Steven, attachés. Pas comme au tout début. Quand on retourne au Ouais, début. sauf que là, t'as quand même l'impression que tu te dis, est-ce que c'est un rêve, tu vois? C'est clair. Je sais pas, Mika, si t'es posé la question, toi. Bah, t'arrives sur un moment donné, ouais, à me dire est-ce que tout ça s'est bien passé? Est-ce que c'était dans sa tête? Heureusement, très très vite, t'as la réponse parce qu'ils se parlent Ouais. l'un à l'autre. Et plutôt que d'avoir qu'un seul poisson rouge, je suis à deux poissons vu qu'ils sont deux maintenant dans Voilà. cette. C'est ça. Ils sont deux. Et arrive donc. Bon, du coup, on peut deviner que du coup, eux se sont acceptés. Mais il y a quand même alors des questions qu'avait posées la série. On n'a toujours pas les réponses. Voilà. Ça, c'est. Je ne sais pas si on les aura, mais. Moi, je pense pas. Mais en tout cas, tant mieux si on les a. Et on a cette scène post-générique dont on va parler. Cette scène où Haro se retrouve dans un asile, puisque ben voilà, il a été vaincu, il se retrouve dans un asile et quelqu'un vient le chercher dans son fauteuil. Je crois qu'on voit un cadavre à un moment donné en fond. Oui, c'est ça, on voit un cadavre. Il monte dans un taxi et là on voit Ronchu juste en face de lui. Ouais, qui d'ailleurs a changé. Qui a changé Il de look a avec un costume. le costume qu'il a dans les comics, plutôt que sa tenue égyptienne. Ah ouais? Je savais pas dans les comics s'il a une tenue comme ça. Ouais, il a un costard dans les comics. D'accord, ok. Alors, un truc qui était surprenant, c'est normalement, s'il a pour avatar, on va dire, Spector ou Grant ou Jake, ce qui m'a surpris, c'est que Haru a pu le voir. Alors que normalement, on les voit pas, les avatars. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Après, vu qu'il a une déesse en lui, parce que techniquement, il est Amit à ce moment-là, il n'est plus Haro. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un mix des deux dans le corps. C'est peut-être pour ça qu'il peut le voir. Ouais, je Ah, pense. peut-être, ouais. Ouais. Ah, j'y ai pas pensé. Ah oui, ça se trouve, oui. Oui, bah, c'est une déesse qui peut voir un autre dieu, donc du coup, c'est vrai. Quoique, j'avais pas cette impression-là, parce que quand on arrive au. Il y a l'épisode, tu sais, où il se fait juger. Il y a tous les dieux, j'ai pas l'impression que les dieux se voyaient entre eux. Ils passaient à travers leurs avatars pour parler, tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a que les avatars qui étaient présents. Les dieux en eux-mêmes n'ont pas le droit, je crois, d'être présents, un truc comme ça, ils te disent. Ils envoient toujours que leurs avatars. J'imagine aussi pour éviter que s'il y en a un qui tente d'en tuer l'autre, ça ne tue que les avatars et pas eux-mêmes. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Ah, bon, en tous les cas, et puis il lui dit, je te présente mon nouvel ami, je crois. Et c'est Jake, il dit Jake Lockley, il le dit clairement. Et là, bah, tu vois le visage de Oscar, de Mark Spector, avec un béret qui tire au silencieux sur Haro. Donc on peut deviner que Haro, bah, meurt. Deux questions. Attention. Première question, à votre avis, est-ce que, comment il s'appelle, Ronchu, avait pour avatar Jake Lockley depuis le début? Et deuxième question, à votre avis, est-ce que, Jake Lockley sera le meilleur avatar pour Ronchu? Laurent. Bah, y a de fortes chances que tu dises vrai. Parce que, bon, Khonshu, c'est quand même le dieu de la vengeance. Jack Loki, il incarne bien le. Il pourrait, en tout cas, incarner un personnage parfait pour un personnage vengeur. Quoi. C'est... Moi, je trouve que. Ouais, ça me plaît bien, en tout cas. Mika. Alors, moi, me vient plusieurs questions. C'est, je pense que, un, il savait pertinemment qu'il y avait Jake Lockley en supplément des deux autres, puisque lui-même te dit que Spector n'avait pas conscience d'à quel point il était taré. Et que du coup, bah, il l'a techniquement pas libéré, il s'est juste foutu de sa gueule. En oui. Utilisant juste une des autres personnalités plutôt que lui-même. Et je pense qu'on, bah, s'il y a une continuité, en tout cas, on se rendra compte qu'il s'est bien fait niquer. Moi, je trouve que, en fait, pour moi, Mark est plus à même d'être enfin, l'avatar, le bon, parce que pour moi, Jake représente la violence du personnage, là où Steven va représenter sa gentillesse. C'est vraiment ces deux opposés, je trouve, et lui est un équilibre entre les deux, parce qu'il n'est pas méchant, mais il est violent. Et donc, je pense que c'est lui le meilleur équilibre. Mais qu'effectivement, en termes de violence, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus trash, entre parenthèses, si c'est Jake qui prend le contrôle. La question étant, est-ce qu'ils vont oser faire un troisième costume ? Ah ouais ? Bah moi, je me pose la question, vu que quand c'est Steven, ils y ont mis le costume de Mr. Knight. Est-ce que quand c'est quand ça va être Jake, est-ce qu'ils vont lui mettre un autre costume ? Que celui de Moon Knight entièrement blanc, peut-être la version plus proche du comic, c'est avec le visage noir et des parties noires. Je sais mais pas. Mais comment. C'est vrai qu'il y aura peut-être un troisième costume, il n'y aura peut-être pas celui que l'on connaît avec la capuche. Bah, encore moins le même que Steven Grant. Il y aura peut-être des différences. Bah, la logique voudrait que, vis-à-vis du fait que c'est une autre troisième personnalité, qu'ils ont tendance à donner un costume visiblement aux deux autres, différents. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, petit détail, la limousine dans laquelle ils partent, la plaque d'immatriculation, c'est Spector. Ah ouais. Donc, ce qui mènerait au fait que Mark Spector est censé être milliardaire, normalement. Et, oui, il est milliardaire. Est-ce que justement, il l'est peut-être vraiment dans la version MCU aussi, ce qui expliquerait aussi comment ils arrivent à se payer des billets d'avion toutes les deux minutes pour partir d'un bout à l'autre de la planète. C'est vrai. Alexandra ? Oui. Toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport aux deux questions que j'ai posées tout à l'heure ? Bah, de toute façon, je pense que quand il a fait de Mark Spector son avatar, il savait dès le début qu'il n'était pas tout seul dans sa tête. Ça reste un dieu, donc je pars du principe qu'un dieu est omniscient. Donc, puis bon, il a dû comprendre très vite que bah il y avait quelqu'un d'autre. Parce que bon, j'imagine que dans l'émission qu'a dû faire Max Spector avant, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu des moments où c'était ni lui ni Steve ? On ne saura pas. Mais au final, de toute façon, pour moi, c'est l'âme de... c'est tout l'être de Max Spector qui est lié à Ronchon. Donc, qu'il soit sous la forme de Steven ou sous la forme de... Ah, putain, j'ai oublié le nom. Jack. De Jack. Dans tous les cas, ça reste Mark. C'est triste à dire, mais c'est juste des traumatismes qu'a vécu Mark. Et du coup, son cerveau s'est scindé pour isoler ces traumatismes-là. Pour moi, Jack vient du fait qu'il a tellement tué de gens. On le voit bien là dans la scène dans l'asile où il retrouve toutes les personnes qu'il a tuées. Il dit ah, là-bas c'est à tel endroit, là-bas c'est à tel endroit. Il se souvient de tout. Donc, ça, enlever la vie de quelqu'un, c'est pas quelque chose. Tu te lèves pas un matin, tu fais tiens. D'ailleurs, il n'y a pas un moment où il dit qu'il ne se souvient pas que c'est cette personne-là, non ? Non, il se rappelait de tout le monde. Non, il se rappelait tout le monde, ouais. Mais bon, je pense que du coup Jack vient de là, puis d'autres peut-être traumatismes petits. Et mais du coup, que ce soit Mark, Steven ou Jake, dans tous les cas, ils sont liés à Rochon, puis c'est tout. Hein. C'est... Oui. Les deux autres auront bon croire que non, en fait, si. Et puis, est-ce qu'il fera un meilleur Moondog? Je ne sais pas, parce que, en fait, pour moi, tu peux pas isoler les trois. Parce que les trois, c'est la même. Pas dire c'est la même personne, parce que leur personnalité n'est pas la même, mais ils sont dans le même corps. Ils sont obligés de cohabiter ou de supporter ou de. Donc bon, après, on verra, parce que, comme j'ai dit plus tôt dans les autres podcasts, Steven, Jake, il a beau être, il a été super violent, il n'aura pas les connaissances égyptiennes de Steven. Donc, il dit que dans d'autres missions, il ne sera pas obligé de faire attendez. J'appelle Steven, parce que je ne comprends pas ce qui est écrit sur le mur, il faut que je déchiffre. Dans tous les cas, ils vont devoir cohabiter tous les trois. Encore. Encore et toujours. Ce qui est intéressant, c'est voir l'interaction qu'il y aurait entre les trois, entre Mark, bon, Steven et puis Jake. Parce que Jake a l'air complètement différent en caractère et en ambition que Mark et que Steven. Est-ce qu'il va s'entendre avec les deux autres? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Vraiment. Bah, tu peux te la poser, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Et ce qui est intéressant, c'est quelle est l'origine de la création de cette identité-là, du coup. On connaît l'origine de l'identité de Steven Grant quand il est apparu, mais on ne connaît pas du tout, ou on ne sait même pas d'ailleurs, comment il a pu créer son identité de Jake Lockley. Avant de parler du futur de Moon Knight, Laurent, tu as vu toi les autres séries Marvel, à mon souvenir ? Un petit peu. Est-ce que tu trouves qu'on est dans une certaine continuité ou pas des séries depuis que l'on voit, c'est WandaVision, Le Faucon, Soldat de l'Hiver, Loki, What If et Hawkeye. Est-ce que tu trouves que celui-là est un peu en marge des autres ou si on est dans cette continuité-là dans les séries Marvel? Bah, je trouve qu'il est en marge, beaucoup plus psychologique. Hein? Alors que les autres séries sont beaucoup plus classiques. Quoi. Ouais. Voilà. Après, j'aime bien. Après, je vois que ça t'a bien aimé. Pour ajouter quelque chose, pour en avoir discuté autour de moi, beaucoup n'ont pas du tout aimé Moon Knight, justement par rapport à cette facette très psychologique de la série. D'ailleurs, ça a commencé beaucoup. On se rappelle, un des premiers épisodes, c'était très, très, très TDI et psychologique, quoi. Et certains n'ont pas accroché du tout. Donc, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont préféré le dernier épisode parce qu'on voyait le costume. Il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, on voit le costume, il y a de la bagarre, c'est bien. » Enfin, et d'ailleurs, ils parlent de ça. Sur du Marvel, quoi. C'est presque ça, quoi. Et ce qui prouve, justement, que oui, cette série, elle est bien différente des autres. Ouais, c'est vrai. Toi, Mika, alors ? Bah, pareil, moi, je trouve qu'elle se sépare des autres. Pas autant, je dirais, sur le côté psychologique, parce que je trouvais que WandaVision était extrêmement psychologique. Oui, c'est vrai que celui-là, oui. C'est quand même l'acceptation de la mort sur X épisodes. Oui, c'est vrai. Mais elle n'a pas de TDI. Limite, quand même, hein, tu te demandes des fois. Non, elle est bipolaire. Ouais, un peu taré sur les bords, mais... non, après, c'est moi, le côté psychologique me dérangeait absolument pas sur Moon Knight, au contraire. Moi, j'en voyais pas le costume, c'était pas grave, je l'aime pas, ce costume. Mais... Il balance ça comme ça, je l'aime pas, voilà. Non, mais je t'avais dit, j'aime pas, en fait, le côté ultra mystique qu'ils ont donné à ce perso, du fait qu'il est pas censé avoir de pouvoir, normalement, et que là, c'est de la magie dans tous les sens, que... Normalement, c'est un costume qu'il a, c'est tout. C'est une tenue en adamantium et pas un truc magique. Mais bon, passons le fait. Il vénère, les gars. Rendez le costume en adamantium. Non, j'aime pas le côté momie en plus et tout. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Non, c'est le bandage. Non, mais c'est ça, j'aime pas. le fait que tu saches pas où poser la série dans le MCU, je trouve déjà te met quand même que tu sais même pas si c'est relié, parce qu'il y a rien au final qui la relie. Bah, sauf ce que tu dis, parce que tu disais qu'il allait peut-être avoir les Éternels. Normalement, il y avait les Éternels qui devaient apparaître. Donc, s'ils devaient apparaître, c'est ça qu'il était sans doute faire le lien, ou il a dû peut-être combattre à leur côté, ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes bien, vu qu'il vient de la, c'est de la mythologie égyptienne, et puis que les Éternels, c'est quand même, ils représentent aussi la mythologie. C'est vrai qu'on aurait pu faire le lien à ce moment-là. Bon, je pense qu'ils l'ont pas fait, parce que c'était d'écouter la blinde. C'est ça, c'est que c'était trop cher, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le faire. Ouais, mais il fallait ramener tous les Éternels. Ça a coûté un certain prix. Mais bon, enfin, le bah, truc. Ce qui est vrai, parce que quand tu regardes les séries Marvel de 2021, WandaVision, c'est un lien avec les Avengers, etc. Pareil pour Faucon sur l'univers, pareil pour Loki, pareil pour What If aussi, il faut dire ce qu'il y a, même si c'est un dessin animé, c'est pareil. Hawkeye aussi. Et c'est vrai qu'on a une histoire assez autonome, hein, quand tu regardes du personnage de Moon Knight, et t'as pas cette impression-là, effectivement, qui fait partie du même univers. S'il apparaît pas dans le reste, tu t'en rendrais pas compte, quoi. Le perso, il est là, il a rien demandé à personne, il est relié à bah, rien. Il parle pas du Blitz, au moment du claquement de doigts de Thanos, t'as vraiment rien qui le relie, donc soit il se laisse l'option de séparer ça complètement, au cas où. Même si non, moi j'aimerais bien voir Moon Knight en train de taper des bouches avec le faucon, le soldat de l'hiver et tout, ce serait pas mal. Bah, le truc, c'est qu'ils ont dit, vu que la série fonctionne en indépendant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le relier au reste? Moi je trouve ça dommage, parce que j'aimerais bien. Je pense que tu dis que la série fonctionne, mais de ce que dit Laurent, elle fait pas forcément l'unanimité. Là où un Loki faisait l'unanimité, par exemple, ou le faucon de l'hiver aussi, le faucon de l'hiver qui a très bien marché. Pas tant que ça. Celui-là, il fait pas forcément l'unanimité, celui-là. Tu prends les quatre séries qui sont déjà apparues. Moi, j'en connais beaucoup qui ne les ont pas aimées. Ah oui. Qui n'aiment pas WandaVision, qui ont trouvé ça mouche. Ah oui, WandaVision, je suis d'accord. J'en connais plein qui ont dit que c'est nul et qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils ont arrêté au bout du deuxième épisode. D'accord. Quelques amis qui n'ont pas aimé Loki, qui trouvent ça ultra chiant. Alors que c'est un perso qu'ils adorent. Pareil pour Le Faucon et Soldat de l'Hiver. Moi, c'est pareil. Cette série, je trouve qu'elle a un énorme côté psychologique au niveau du développement du perso qui devient Captain America, qui est obligé d'accepter ce fardeau, et de l'autre qui doit accepter son passé pour devenir quelqu'un de bon. Et il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas aimé, qui trouvaient que c'était mou, que c'était chiant pareil. Enfin, celui-là, comme dit Laurent, un peu d'accord, c'est que quand on parle à ton entourage, tout le monde n'est pas forcément d'accord à dire que c'est une bonne série. Il y en a qui vont dire que c'est pas bien. Enfin. Moi, j'ai eu ce retour sur toutes les séries, toutes les séries Marvel. J'ai des collègues qui les adorent ou qui les détestent. Donc. D'accord. Bon bah écoute. Et Laurent, toi, ton entourage, ils disent quoi globalement du coup de Moon Knight? Ils ont fini la série ou ils ont abandonné au bout d'un moment? Ils ont abandonné. Ouais. Ah oui, carrément, c'est un abandon, c'est pas on va aller jusqu'au bout. Non, mais ils ont été très durs même. C'était... Ah ouais, tu les as trouvés très durs. Genre, ils disaient quoi? Genre, en regardant les épisodes, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Non, quand même. Ah oui, d'accord, donc ça c'est plutôt l'expression. Ok. C'est où, c'était... Ok. Non, ah ouais, mais d'accord, ok. Ils n'ont pas du tout capté le côté psychologique. D'accord. C'est assez traditionnel qui veulent du Marvel, baston, castagne, quoi. Je pense que c'est vraiment une série nulle Marvel. Je vais t'en citer une, ça s'appelle Les Inhumains. C'est pas une série Marvel. Ah ouais? C'est eux-mêmes, ils en veulent plus, ils l'ont enlevé du MCU. Ils en veulent plus, mais tu m'as fait peur, c'est sur le coup. Bah, écoute, tu veux vraiment une série nulle, Laurent, sur Disney+, tu as Les Inhumains. Ah ben j'irai regarder. Eh ben, on va regarder. Et je veux dire, en plus, t'as qu'une saison et ça finit sur un cliffhanger. D'accord. Bah oui. Donc, il y a une autre série Marvel aussi. Alors, par contre, celle-là, j'arrive pas à la finir, la saison 1. Et il y en a 4. C'est Runaway. Alors, ça, j'arrive pas. Donc, c'est particulier, Runaway, après, même en comics. Hein, donc. C'est particulier. Mais même, j'ai plutôt l'impression que c'est pour les ados, cette série-là. Donc, je me sens pas. J'ai pas cette impression où je suis le public visé pour la série. Voilà. Et De toute façon, moyen. vous êtes gavé en série. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi après vous serez gavé en série Marvel, les gars? Et Alexandra? Non, non, mais toi tu sais. Parce que fin du mois de juin, ils remettent toutes les séries qui avaient disparu sur Netflix, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage et The Defender. Ils vont Ouais, tous les mettre sur Disney+ en juin. ils étaient pas obligés. Quoi? Ils étaient franchement pas obligés. Mais. Ah, oh, pour Daredevil quand même. Bah, Daredevil, Jessica Jones, c'était très bien. Les autres, si, la première saison de Luke Cage est sympa. Ouais, c'est vrai, pas mal. Alors, en tout cas, vous aurez trop de regarder, vous arrêtez quoi. Et j'ai bien aimé The Defender. Personnellement, j'ai bien aimé. Non, mais c'est bien de faire ça parce que tu as des gens qui arrivent. Et moi, par exemple, Marvel, pendant des années, j'ai effleuré. Il n'y a que maintenant, là, que je commence vraiment à chercher. Et justement, ressortir des vieilles séries comme ça permet de redécouvrir des choses que j'avais pas vues, moi, à cette époque-là. Oui, c'est des super-héros que tu connais pas forcément, à qui tu peux apprécier. Voilà. Voilà. Et le podcast aussi t'a aidé aussi à découvrir encore l'univers, peut-être. Carrément. C'est non, c'est vraiment sympa. Et le fait de partager, de discuter avec d'autres personnes sur le même sujet, d'avoir des points de vue différents, moi, je trouve ça super enrichissant. J'ai Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'il y a de découvert plus. surtout les théories d'Alexandre. C'est extraordinaire. Justement, Alexandra, est-ce qu'il y aura une saison 2 pour toi? Ou attends-tu une saison 2? C'est ça la question. Est-ce que tu penses qu'il doit avoir une saison 2? Eh bien, écoute, en vrai, s'il y a une saison 2, j'ai peur que ce soit de trop ou bien que ce soit, enfin, qu'il manque quelque chose après avoir. Moi, comparé à Mickey, j'aimerais bien qu'il l'intègre avec les autres héros qui sont déjà là. Après, c'est pas un héros comme les autres. Oui, il est vraiment en marge, lui. Je vais pas dire je le mets dans la catégorie de Deadpool, mais tu vois, c'est un peu le héros. Oui, t'es content d'être sauvé par lui, mais en même temps, tu fais ouais, mais j'aurais préféré lui là-bas. Thor, il est mieux. Lui, au moins. Mais non, Thor, c'est au mois de mais. juillet. Calme-toi, c'est au mois de juillet. Mais non, mais j'aimerais bien voilà, le voir un peu plus rentrer maintenant dans le MCU. Par exemple, tu vois Daredevil, j'ai vu la série il y a longtemps avec mon frère, je crois. Je sais plus, j'ai vu trop de séries avec lui. T'as quoi? Qu'est-ce que tu as vu avec moi? Je crois que j'ai vu Daredevil avec toi encore. Ah oui, non, non. Je Bah, je crois sais pas. plus, j'ai regardé les séries, c'était avec toi ou pas avec toi, mais bon, je l'ai vu. Et où tu as dû m'inciter fortement à la regarder, je ne sais plus. Et en gros, par exemple, Daredevil, j'ai bien aimé. Ils ont commencé à l'emmener, notamment avec le Spider-Man, là, quand il cherche un avocat. Tu vois. Et du coup. Ah non, tu parles de Spider-Man là. Oui, non, mais tu vois, genre un peu dans ce délire-là, tu vois, de l'emmener dans le MCU petit à petit, sans forcément Ouais. le faire rentrer dans un combat. Tiens, vas-y, débrouille-toi. Prends tes boomerangs et puis La combat-toi. question que je me pose, c'est à quel moment il va être. Parce que là, en fait, il est dans la série, on sait qu'il est dans le MCU, comme dit Mika, mais on le voit pas. La grosse question, c'est à quel moment on va le retrouver, quoi. Bon, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que c'est le même surtout? Parce qu'ils ont repris l'acteur, mais est-ce que c'est celui de la série, le personnage, ou est-ce que ça sera leur propre version de Daredevil avec le même acteur? Parce que faut quand même se rappeler que les séries Netflix ne sont pas canon avec le MCU. Ah, pour Daredevil, mais moi je te parle pour Moon Knight. Moon Knight en lui-même, bah, je pense Ouais. de ce qui avait été dit à l'origine, c'est qu'il voulait faire qu'une seule saison pour pouvoir l'intégrer derrière dans les films, histoire de présenter le perso un minimum et de pouvoir le mettre dedans. Mais qu'il Mais aurait avec qui? saison 2 pour pouvoir le mettre dans des films style Avengers, ou des trucs comme ça, pour qu'il puisse apparaître dans les autres. Ouais, il y a pas de ce que j'ai vu le calendrier, il y a pas j'ai pas vu de film Avengers sortir. Hein. Non, après ils peuvent le mettre dans n'importe quelle autre série, enfin n'importe quel film, il peut apparaître et faire un caméo sans problème normalement. Normalement. Mais un caméo, enfin. Bon, moi, je l'aurais posé. Franchement, j'aurais été couillu. Je l'aurais mis dans Thor: Love and Thunder, vu que tu vois déjà bah, Zeus et tu as plusieurs autres dieux. Ça aurait été posé de ah, mettre oui. les Égyptiens en même temps, au moins en caméo. Après, est-ce qu'ils oseront ? Je pense pas, mais c'est peut-être encore un peu trop tôt. Un peu, ouais. Parce qu'on a du mal à le voir dans un Miss Marvel, déjà. Je pense qu'il poserait un truc un peu... comment dire, t'aurais... Mais est-ce qu'il va vraiment revenir dans un film et pas plutôt dans une autre série ? C'est à des séries, bah, ici. Hein, c'est pas... Parce que maintenant, il est à Chicago. Il est à Chicago, donc... Il est aux États-Unis, là, actuellement. Donc, est-ce qu'on verra pas dans une série... Voir comment ils déroulent aux States. Mais c'est la grande question. Ouais. Bah, après, à quel moment va-t-il revenir ? Personnage qui est assez compliqué quand même, même dans les comics, quand il est avec les autres, c'est un peu particulier. Donc, faut voir comment ils vont oser l'intégrer, comment le poser. Après, tu parlais de Deadpool, mais Deadpool arrive dans l'univers MCU puisqu'ils sont en train de le faire. Je vais parler de Deadpool. Je vais pas parler de Deadpool, si. Pas toi. Non, c'est Alexandra. Et tu disais quoi sur Deadpool ? Que non, ouais. C'était différent de. Oui, il va arriver, lui. Mais vu qu'il a son propre. Enfin, Deadpool va avoir son film dans le MCU, il n'y a pas vraiment de problème derrière de poser un Moon Knight non plus. Même un perso un peu cinglé s'intégrera avec les autres. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, ouais, j'ai une idée. Je pense que Moon Knight, à l'avenir, s'il doit apparaître. Dans un film, il y aura Kouchou avec lui. Parce que Kouchou, de toute façon, ne laissera pas, ça, c'est sûr. Et Kouchou, il a des pouvoirs de ouf. Il est capable d'inverser le temps. Quoi. Ça peut être utile, je pense. On va voir. J'ai des petites idées, mais bon. Après, essentiellement, il n'a fait que inverser au niveau de la Lune pour pouvoir qu'il retrouve un truc en particulier. Et ça n'a pas duré, ça a épuisé tous ses pouvoirs de juste faire ça. Donc, je ne sais pas après s'ils l'utiliseront vraiment comme ça. Après, c'est les dieux égyptiens, s'ils utilisent le même genre, on va dire, que dans les comics, ils sont comme les autres dieux, ils sont juste sur d'autres dimensions. Ils sont puissants, mais Thor, ça reste un dieu, Zeus, c'est un dieu aussi, mais ils sont pas immortels, ils sont pas... Ils sont pas tout puissants non plus, ça reste juste des créatures beaucoup plus puissantes que les êtres humains. D'accord. Bah merci. Je vous propose juste de faire un petit point sur l'actualité du MCU, si ça vous dit. En tout cas, merci Laurent, merci Alexandra, merci à toi Mika pour ces trois épisodes passionnants de débats enrichissants que nous avons eus sur Moon Knight et c'est un personnage qu'on a plus ou moins apprécié. Juste avant de commencer la partie sur l'actualité du MCU, mon petit Laurent, si tu fais une rétrospective générale sur la série, est-ce que tu l'as bien aimée ? Ah oui, carrément. Ah oui. Ah mais bon, comme je l'ai dit depuis le début, l'égyptologie est quelque chose qui me passionne. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur dans ce personnage. Et puis j'ai appris beaucoup de choses. En plus, on en a beaucoup parlé sur les TDI. Enfin, c'est super passionnant le fait d'avoir plusieurs personnages en soi. C'est vrai. On est tous fous, hein, de toute façon. Alexandra, toi, alors si tu dois faire une rétrospective sur la série. Bah, j'ai bien aimé la. Oh là. Voilà, j'ai bien aimé la série, mais je ne pense pas la re-regarder. Moi, je mesure mon niveau d'amour d'une série si je peux la regarder plein de fois sans m'en lasser. Et il y en a très peu qui sont à ce stade-là. C'est une bonne série qui met l'eau à la bouche d'un nouveau personnage qui est différent. Et je trouvais ça sympa parce que j'ai redécouvert Marvel sous un autre angle. Parce que c'est vrai que bah, du coup, j'ai commencé à regarder Moon Knight sans avoir regardé ni What If, ni Loki, ni le soldat. L'hiver, tout ça, ni Hawkeye. Donc, du coup, j'avais gardé dans l'idée que les séries Marvel étaient un peu comme les autres, pas dire un peu cucu, mais voilà, oh j'ai des pouvoirs, oh là Voilà, là, je vais pas forcément d'originalité, quoi. Oui, voilà, c'est un peu tout le temps la même chose. Là, par exemple, je sais pas pourquoi j'ai Iron Fist dans la tête. Oh là là, je suis trop fort, sauver le monde, tout ça, être un héros, c'est cool. Enfin, du coup, j'ai trouvé ça sympa de voir que ça prenait une tournure un peu différente. On garde cet esprit d'une personne hors norme qui fait des choses plus ou moins légales, plus ou moins pour sauver le monde. Voilà, moi j'ai bien aimé, après à voir dans la suite ce que ça va donner. Super. Et toi, Mika, du coup? Alors moi, c'est un des persos que j'aime le plus de l'univers Marvel à l'origine en comics. C'est pas le plus populaire. Hein. Non, mais je suis pas forcément fan des persos les plus populaires en général, étrangement. Mais disons que je trouve que c'était une série qui était vraiment très intéressante. J'étais vraiment content qu'ils adaptent ce perso parce que je pensais pas qu'ils oseraient au vu du personnage en soi, qui était quand même assez compliqué à adapter. Bon, ils l'ont adopté à leur sauce, mais ils ont quand même osé pas mal de choses. Donc ça, moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une super bonne série. Je me suis pas fait chier à un seul moment. J'attendais vraiment chaque épisode avec impatience, le suivant, la semaine d'après, pour avoir une avancée et des réponses, même quelques théories éventuelles sur la suite du personnage, mais plus par rapport à comment il est censé être. Moi j'ai vraiment accroché, quoi. J'espère vraiment revoir le perso soit sur une ES2, mais effectivement ça va être un peu compliqué de pas faire un truc ça va être un peu compliqué d'avoir une saison de chiant de Moon Knight. Ça va être un peu compliqué, un peu. Après, ils peuvent poser techniquement une série Mr. Knight, vu que c'est censé être un détective privé. Je me dis que sur la continuité, si tu peux pas faire un truc qu'avec Steven Grant quand même. Enfin, bah, techniquement, ce qui est intéressant dans ce personnage-là, c'est quand même que Mark Spector est atteint d'un TDI quand même. Ouais, mais si derrière tu fais une série avec le fait que maintenant, vu que les deux cohabitent, il n'y a plus vraiment de problème d'argent, donc il n'a pas vraiment besoin de travailler. Le fait qu'en étant Mr. Knight, il aide la police en faisant des enquêtes, des trucs comme ça, ça peut être une série policière intéressante tout en ayant quand même les problèmes de TDI du perso. Oui, aussi, oui. À la limite, ouais, à la limite. D'ailleurs, on parle de TDI depuis un temps. Je veux juste recommander, si vous voulez en savoir plus sur le TDI, je vous conseille une petite chaîne YouTube que je regarde de temps en temps qui s'appelle Le Journal d'Olin. C'est une nana qui est atteinte du TDI et qui explique comment ça fonctionne, etc. Donc, si vous voulez vous en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller regarder. Voilà. D'accord. Bah, écoute. D'accord. Bah, je connais un qui est très intéressé, hein, Laurent. Donc il ira voir le journal de l'Imp. Alors juste pour merci déjà encore une fois. On va retrouver Laurent et Alexandra et Mika dans d'autres podcasts s'ils veulent revenir. J'espère quand même. Jamais. Jamais. Jamais. Alors. Juste, est-ce que vous savez quelles autres séries sont prévues, Laurent et Alexandra? La prochaine, on sait que c'est Miss Marvel. Après, non, je sais pas. Ah, Mika. J'ai aucune idée. Oh oui, il y a She-Hulk qui est prévu. Ouais. Il y a She-Hulk, ouais. La cousine de Rose Banner. Banner, ouais. Tu as Iron Heart, de souvenir, qui est prévu aussi. Oui, Iron Heart, ouais. Qui va être, on va dire, une Iron Man adolescente. Ça une idée. Ouais, remplaçante techniquement d'Iron Man. S'ils ont allé aussi loin que dans le comics qui utilise comme intelligence artificielle Tony Stark. Ah, d'accord. Il y en a une que j'attends avec impatience, moi, c'est la série Secret Invasion. Ah ouais. Où là, donc, il reste assez secret d'ailleurs. Il reste assez secret, d'où le nom. Voilà. Armor Wars aussi, je crois, qui est prévu. En série, donc il y en a quand même encore qui sont prévus sur la suite, et je crois qu'ils ont prévu What If saison 2, Marvel Zombie. Enfin, voilà, il y a plusieurs projets déjà, prévus. Vraiment, Marvel Zombie m'intéresse beaucoup, étant donné que tu te souviens bien, Benjamin, chez toi tu as ton célèbre un gros bouquin sur Marvel Zombie. Et j'avais dit. Qui parle justement de Marvel, mais. Ouais, effectivement, c'est un bouquin avec tous les tomes. Et c'est très rigolo à regarder. Petit spoil, à un moment donné, il mange une planète. Voilà. Non, mais c'est normal, il n'y avait plus rien à manger. Non, mais Marvel Zombies, bah, c'est vachement bien. Enfin, moi, j'aime bien. Enfin, tu les as lus ou pas, Mika, toi, les Marvel Zombies? Je les ai pas lus, j'en ai beaucoup entendu parler et je trouve que le genre est vraiment assez délire d'être allé sur un univers tout en zombies, tout en restant des héros, entre parenthèses. Ah ouais, non, ils sont pas des héros là, ils veulent bouffer des gens. Ouais, c'est assez héroïque, ça débarrasse des gens chiants. Mais l'épisode What If qu'ils ont fait sur cet univers en plus était assez fun, je trouve. Ils avaient fait un truc assez sympa. Donc je pense que ça a dû servir de test, voir si ça passait à l'écran le What If zombie. À voir s'ils pouvaient lâcher la série complète, mais de toute façon, elle était attendue à l'origine, c'est quelque chose qui était très très attendu, le Marvel Zombie. Ouais, juste pour information, c'est si vous aimez multivers, ben, Marvel Zombie, c'est plutôt pas mal, puisque en fait, à mon souvenir, dans mes comics, je les ai lus, il y a un bail, je crois que c'est les 4 fantastiques qui vont sur une terre sur une terre parallèle. Oui, dans mes souvenirs, ça part de là et puis après ça, ils se mordent entre eux et tout, ça devient ils se bouffent même, ils se bouffent entre eux. Ouais, ils se bouffent entre eux. Et d'ailleurs, la scène dans What If, il y a une scène avec Vision et Wanda. Il me semble que dans le comics, il y a une scène comme ça aussi, justement, où vu que l'être humain non zombifié se fait rare. Eh bien, chacun essaye d'avoir son petit morceau de barbac le plus longtemps possible, quoi. Et du coup, c'est plutôt rigolo. Mais t'as aussi... je crois que c'est ça. En fait, tout part des 4 fantastiques où ils tombent sur une terre. Et puis après, il y a un portail. Le portail, ils traversent le portail parce que vu qu'ils ont tout bouffé sur la terre. Et en fait, ils se rendent compte, à mon souvenir, qu'ils n'ont plus faim. Parce qu'en fait, au moment, il n'y a plus rien à bouffer. Plus du tout. Et je crois que justement, parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer, bah, du coup, ils n'ont plus faim. Voilà. Mon souvenir, c'est ça. Faudrait que je regarde. Faudrait que je relise. En tout cas, t'as plusieurs arcs, mais en tout cas, je vais essayer de le relire, tiens. Donc en fait, par contre, Marvel Zombie est prévu en animé. Hein. Ils ne l'ont pas prévu en film, ils l'ont prévu en animé. Voilà. Il y a aussi la série Echo qui est prévue. Je crois que t'as pas vu Hawkeye, toi, mais il y a le personnage d'Echo qui est assez proche d'ailleurs de Daredevil. Et tu as aussi Echo. Non, bah non, elle est sourde, donc du coup voilà. c'est pas la meuf qui court très vite dans les Éternels, Echo. Non, elle sait se battre. Ah, okay. Non, elle sait se battre. Et bientôt commence le tournage alors de Loki saison 2 au mois de juin. Donc voilà. Donc on a quand même une saison 2 de Loki qui est prévue. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est sympa. Ouais. C'est une bonne série. Tu t'avais bien aimé, toi, Alexandra, du coup, quand t'as regardé ce que tu disais. Mais, J'ai tout fini en une soirée, en fait. J'ai pas beaucoup dormi, mais. J'ai tout fini. Tout fini. Donc là, il te reste Docteur Strange. Il te reste Faucon de l'hiver et puis. Oui, et ça va. Je fais une petite pause. Je vais me remettre à One Piece parce que du coup, avec vos conneries, j'ai pas pu regarder la suite. Mais du coup, après, je regarde les séries qui me restent à regarder. Voilà. Mais chacun son moment. Voilà. Mais en tout cas, ça va être bien fourni en série prochainement et c'est plutôt agréable. Donc là, il reste plus que 2 séries. Marvel pour cette année, donc si je me souviens, c'est bien. Flûte à bec, Miss Marvel au mois de juin, et après j'ai l'impression qu'il y aura un gros vide parce qu'après ça sera au mois de décembre ou novembre. Hein, She-Hulk, c'est fin d'année de souvenirs, ouais, c'est ça. Ouais. Là, on aura quand même un gros vide entre juillet, août, septembre, octobre, 3 mois sans série Marvel. Ça va. Après, il y a le film, il y a les films au milieu, donc. Mais non, il a été reporté, Marvels, The Marvels. Pas si Marvels, oui, mais il y a Thor qui sort entre les deux. Ah oui, il y a Thor, oui, au mois de juillet, quoi. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre. Quand même quoi, 5 mois sans Marvel, ça va faire chaud quoi. Pour les fans, ça va être long, hein. Wow, ils vont bien nous poser un truc entre les deux. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont rapatrié toutes les séries Bah, Netflix. y a la rumeur qui court qu'il y aura Werewolf by Night vers Halloween. C'est une rumeur. Mais je suis en train de regarder qu'en 2021, t'avais Black Widow, Shang-Chi, Eternal, Spider-Man. T'avais en série WandaVision, Loki, What If, Faucon Soldat de l'Hiver et Hawkeye. T'en avais 5 quand même. Bah, ils se sont vachement lâchés l'année dernière. Après, on aura peut-être Ouais. aussi une saison 2 hein, cette année. Saison 2? What If saison 2? C'est possible qu'elle soit faite dans l'année. C'est un anime, ça ira peut-être plus vite que. Attends. Après, tu vois, c'est vrai que ça sauve. Ah, bah attends, je suis en train de regarder sur CNET France.fr. What If, la saison 2 sortira cette année, c'est confirmé. Ah, bon, voilà. Voilà. J'espère que je verrai ma chérie. Captain Carter, moi, je préfère préciser. Là, Je tu ferai l'as tout vu pour Captain Carter. Hein? tu l'as vu toi Docteur Strange 2? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai trouvé que c'était un bon film, mais bon, voilà. Mais on fera un podcast dessus, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Merci Alexandra, merci Mika, merci Laurent pour avoir participé à ce podcast. Nous avons perdu Laurent. Peut-être qu'il est partir remplir sa bouteille d'eau. Mais en tout cas, merci. Avant de se quitter, Mika, quel est le film ou la série que tu attends avec impatience prochainement? Film ou série? Ben... T'en choisis qu'un. Ah, qu'un seul. Alors, ce sera pas une Ouais. série, là. Et là, il va sortir un truc du type bah, Stranger Things. Non. Bah, si, si, en soi. Non, On reste sur du Marvel ou hors. Marvel, Marvel. Ah, sur du Marvel. Ah, franchement, je saurais pas te dire. Je pense que celui que j'attendais vraiment le plus, c'était le Docteur Strange. Ah ouais. Et sur cette année, ouais, c'est celui que j'attendais le plus. Parce que Thor Love and Thunder, je ne suis pas fan comme je t'ai dit, de l'actrice la dernière fois. Donc, Ah, c'est pas. surtout que là, dans le teaser, tu vois les biceps qu'elle a. Ils sont énormes. Elle Ouais, fait de la ouais, muscu. ouais. Bah, tant mieux pour le perso après. Ouais. Mais non, franchement, je pense que celui que j'attendais le plus, c'était vraiment celui-là. Donc, pour le coup. Je reste en attente, je vais te dire, vraiment de Miss Marvel, de voir ce qu'ils vont en faire. D'accord. Alexandra, toi? J'attends rien de particulier. Bof. Tu sais, moi, je regarde. Souvent, je regarde après la guerre les séries Marvel, comme les films. Donc, pareil, comme disait Laurent plus tôt, je me suis mis à regarder Marvel que depuis, bon, on va dire, cette année. Je me suis refait une sorte de. Je me suis refait tous les films Marvel depuis le. Bah, pas dire depuis le début non plus, j'ai pas repris depuis tout premier. Mais. Dans l'ordre chronologique jusqu'à Endgame. Et puis bah là je me fais des séries. Bon, je verrai bien ce qui sort, je regarderai à mon rythme. Et puis, j'ai pas d'attente particulière parce que je suis pas une grosse fan. Je suis pas une. Voilà, juste j'aime bien regarder les séries Marvel, mais après je suis pas à attendre chaque épisode rapidement quoi. D'accord. Bon, bah écoute, on verra. Le prochain podcast parlera du coup du film Doctor Strange 2. Donc, Mika, tu seras avec nous, hein? J'espère, j'espère. Oui. Voilà. On aura aussi un autre invité qui est un YouTuber. Attention. Donc, normalement, il m'a dit qu'il venait. Voilà. Peut-être deux même. Et je prépare une surprise, justement, pour ce prochain podcast sur Doctor Strange 2. Merci encore pour nous avoir écouté. 8 épisodes. Merci encore pour votre fidélité. Honnêtement, ça fait plaisir. Merci pour vos retours également, puisque quand je sors un épisode, j'ai pas beaucoup non plus, mais j'ai quelques messages sur Instagram où les gens me donnent leur avis en fait sur les films, et d'ailleurs sur Doctor Strange 2. Pour un, bah, tu vois, Mika, ce que je disais, c'est que soit les gens me disent que c'est moyen, soit ils disent que c'est excellent. T'as personne qui dit que c'est nul, et t'as pas de forcément de juste milieu. C'est moyen ou c'est excellent. T'as pas de. Ça peut être un bon film, tu vois. C'est, voilà. J'ai l'impression que ça. Moi, je trouvais que c'était un bon film, on en reparlera, mais c'est vrai, je dirais pas que c'est excellent, je dirais pas que c'est moyen. Ouais, bah, pareil, je reste comme toi, tu vois, sur ma fin, sur le film. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, Alexandra, de toute façon, elle va le voir bientôt. J'espère. T'as prévu de le voir ou pas, Alexandra? Non, oui, j'irai quand j'aurai le temps. T'as raison. En tout cas, merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode 8. On se réécoutera, pas reverra, pour l'épisode 9 sur Doctor Strange 2. Et on refera comme on a fait pour Moon Knight, pour la série Miss Marvel qui sort bientôt, très bientôt, dans un petit peu moins d'un mois, je crois, puisque c'est pas début juin. Début juin, ouais. C'est pas le premier mercredi de juin. 8 juin, tu vois, 8 juin. Donc, ça va arriver à grands pas et on verra, nous, Mika, si par rapport à l'épisode. Notre épisode de podcast 7, eh bien, si on avait bien visé sur la différence entre les comics et puis le personnage du MCU. Merci beaucoup, merci votre participation, merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast tardivement, parce qu'on enregistre le soir, il y en a qui travaillent. Jusque ouais. Tard, voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Bye.